الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد Donc on accueille Erwan qui vient du 91 et qui se questionnait au sujet de l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été orienté chez nous dans notre mosquée et on a pu lui éclaircir au sujet de l'islam, de ses fondements sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il souhaite désormais embrasser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion qu'Allah agrée. Comme il nous le dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui recherche une autre religion en dehors de l'islam, ceci ne sera jamais accepté de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc la religion d'Allah, c'est l'islam, cet islam avec lequel nous a été envoyé le dernier prophète et messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, le dernier prophète et messager, le meilleur d'entre eux. Il nous est venu avec la religion d'Allah et il n'est pas décédé si ce n'est après nous avoir transmis parfaitement le message. Et il a invité les gens à l'unicité d'Allah, à adorer Allah seul d'un culte sincère. Il leur disait, Ayyuhan nas, ô vous les gens, Qulu la ilaha illallah tuflihu, ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez, vous réussirez. Et la ilaha illallah est une parole très lourde de sens, une parole riche, la meilleure parole prononcée par un prophète. La meilleure parole que les gens puissent prononcer, la ilaha illallah. Cette parole signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et celui qui souhaite embrasser l'islam, et l'islam est une religion universelle. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été envoyé pour les gens d'un pays et pas un autre, pour un peuple et pas un autre, pour les gens d'une couleur ou d'une langue et pas une autre. Non. Mais Allah nous dit, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « L'arabe n'a pas de mérite sur le non-arabe, ni le blanc sur le noir, jusqu'à la fin du hadith. » Donc l'islam, c'est pour l'ensemble et c'est une religion universelle. Et celui qui regarde dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, il verra le blanc, il verra le noir, il verra l'arabe, il verra le non-arabe. Et tous ces gens-là sont unis sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à une seule et même divinité, Allah, Rabbul Alamin, Allah le Seigneur des mondes. Et comme on te l'expliquait, la personne qui souhaite entrer en islam, elle prononce l'attestation de foi, qui est de dire... Il consiste à dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » J'atteste et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Donc je vais te donner le micro, te dicter cela. Et en répétant ces termes de plein gré, tu embrasseras l'islam, incha'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc tu peux le tenir proche de ta bouche comme ça, ce sera plus simple. Je répète après moi. Ashhadu Allah ilaha illallah. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Allah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. On remercie Allah et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui par la grâce duquel les bonnes actions se concrétisent. Et parmi la grande grâce d'Allah et sa miséricorde, le fait qu'il nous guide à l'islam, nous préserve sur cet islam, nous permette d'apprendre cet islam et de pratiquer cet islam. Car c'est le plus grand bienfait par lequel Allah comble son serviteur. Les richesses de ce bas monde, Allah les donne à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais cette religion, il ne la donne que à celui qu'il a aimé. Donc on espère faire partie de ceux qu'Allah a aimé et a préservé. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين. Donc il va te donner mon numéro et t'es la bienvenue quand tu vas là en mosquée. Si t'as besoin de soit tu peux me contacter. D'accord. Jazakallah khair. Barakallah fik. Se lave et il commence par la prière du Maghreb, inshallah. Voilà. Je montre comment faire. Voilà. D'accord. Marak la fait comme. On félicite notre frère Erwan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur la vérité, de le préserver et de l'orienter de la plus belle manière. نرجع إلى درسنا وهو دراسة بعض أسماء الله الحسنى بقراءة كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى فقه أسماء الله الحسنى وفي الجمعة الماضية قرأنا ما يتعلق باسم الله الغني. La semaine passée, nous avons lu et expliqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani, le riche qui se passe largement des mondes. Et ce soir, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons commencer par l'étude de deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Mu'min et Al-Sadiq. Al-Mu'minu et Al-Sadiq. قال الشيخ حفظه الله تعالى وقد ورد اسم الله المؤمن في آية واحدة هي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Mu'min. Et ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'min, a été mentionné dans un seul verset du Coran, dans Suratul Hashr. Dans Suratul Hashr, dont la traduction approximative du sens est, donc ce verset, c'est lui Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, celui qui est au-dessus des autres. Exempt soit-il de tout défaut, il transcende ce qu'il lui associe. Donc ils ont traduit ici Al-Mu'min par le rassurant. Mais on verra, Inch'Allah ta'ala, que ce nom-là renferme plusieurs sens, et celui-ci est un de ces sens. والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار وما يقتضيه ذلك من الإرشاد والتصديق من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده ولهذا قال مجاهد رحمه الله المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو هي شهادة عظيمة كريمة من أعظم الشاهد وهو الله رب العالمين لأعظم مشهود به وهو توحيد الله وإخلاص الدين له الإيمان ce terme-là son sens revient au tasdiq et au iqrar, c'est-à-dire au fait de reconnaître la véracité de la chose. Le fait de reconnaître la véracité de la chose. Et ce qui découle de cela, comme le fait d'attester de la véracité des gens véridiques, comme le fait d'attester de la véracité des gens véridiques, et comme le fait d'exposer les preuves qui vont permettre d'attester de leur véracité. Allah subhanahu wa ta'ala est al-mu'min. C'est al-mu'min, celui qui a fait ses propres éloges. Et celui qui est au-dessus des éloges que font de lui ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même à la perfection. Et Allah est plus parfait que la perfection qu'on dit sur lui. Les meilleurs des éloges que nous lui adressons, Allah subhanahu wa ta'ala mérite encore plus que cela et meilleur que cela subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Mujahid, un des pieux prédécesseurs rahimahullah, a dit Al-Mu'min, c'est celui qui a attesté de sa propre unicité. Al-Mu'min, c'est celui qui a attesté de sa propre unicité, celui qui a dit qu'il était unique, le seul digne d'être adoré. Comme dans Surat Al-Imran, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah témoigne, ou Allah a témoigné qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Donc Mujahid nous dit, Al-Mu'min, c'est celui qui a attesté de sa propre unicité. Dans sa parole, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah témoigne qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Donc c'est le témoignage le plus immense qui soit, le plus noble qui soit. Et celui qui témoigne de cela est le plus immense, c'est Allah. Il y a donc ici, dans ce verset, le plus grand des témoignages qui soit, la ilaha illallah. Par le plus grand témoin qui soit, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est Allah le Seigneur des mondes. Et ici, on a le témoignage de la chose la plus noble qui soit. C'est l'unicité d'Allah. C'est l'unicité d'Allah et la sincérité. L'unicité d'Allah et la sincérité qui lui revient de droit dans le culte et la religion. ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Et dans ce sens-là, nous avons le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi ibn Majah et autres que selon Abu Ishaq, selon Al-Aghar, Abu Muslim, qui témoignent que Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhum témoignent que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ Ala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi wa idha qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana la sharika li wa idha qala la ilaha illa Allah al malik aw lahu al mulk wa lahu al hamd qala sadaqa abdi la ilaha illa ana li al mulk wa li al hamd وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي Voici un hadith magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque le serviteur dit la ilaha illallah wallahu akbar, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et Allah est le plus grand. Allah tabaraka wa ta'ala dit, des suites de cette parole prononcée par le serviteur, Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur a dit la vérité. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi, et je suis le plus grand. Je suis plus grand que toute chose. Et lorsque le serviteur dit, la ilaha illallah wahda, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, Allah dit, mon serviteur a dit la vérité, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi seul. Et lorsque mon serviteur dit, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, sans associé, Allah dit, mon serviteur a dit la vérité, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi seul, sans associé. Ou plutôt, mon serviteur a dit la vérité, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi, sans associé. Et lorsque le serviteur dit, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, à lui la royauté, à lui et à lui la louange, Allah dit, mon serviteur a dit la vérité, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi, à moi, à moi appartient la royauté, et à moi appartient la louange. Et lorsque le serviteur dit, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et personne ne peut passer d'un état à un autre et avoir la force de le faire si ce n'est par Allah, Allah dit, mon serviteur a dit la vérité, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi, et personne ne peut passer d'un état à un autre et avoir la capacité de le faire si ce n'est par moi. Et ce hadith est dans Silsilat al-Sahihah de Cheikh al-Albani rahimahullah. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه قلت لأبي جعفر ما قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار أو لم تمسه النار. أبو إسحاق a ensuite dit, الأغر a dit des choses par la suite que je n'ai pas compris. J'ai donc demandé à Abu Ja'far, qu'a-t-il donc dit ? Il m'a répondu, celui à qui on accorde la prononciation de ses paroles lors de son décès, le feu ne le touchera pas. C'est-à-dire celui dont les dernières paroles sont celles-ci. Celui qui prononce ses paroles, on va dire, au moment de son décès, il ne sera pas touché par le feu, c'est-à-dire le feu de l'enfer. فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته وتصديق للشاهدين بذلك من عباده وهذا التصديق من الله لعباد الشاهدين له بالتوحيد وكذلك تأييده لهم بالجنة بالحجة والبراهين كله من دلائل اسمه المؤمن. Voici un témoignage immense et grandiose émanant d'Allah pour lui-même. Il atteste de sa propre unicité. Puis, comme on l'a vu, il atteste de la véracité du témoignage de ses serviteurs. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste pour ses serviteurs ici de leur véracité, c'est du fait qu'ils ont témoigné de cette noble parole, La ilaha illallah. Lorsqu'ils disent La ilaha illallah, Allah témoigne de la véracité de leur témoignage. Ce témoignage, c'est la formulation du tawhid. C'est la reconnaissance que nul ne mérite d'être adoré, si ce n'est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé cette parole, sa véracité et ses témoins par de nombreuses preuves et évidences. Et tout ce que nous venons de mentionner fait partie de ceux qui revient au nom d'Allah, Al-Mu'min. Al-Mu'min, celui qui atteste pour lui-même qu'il est le seul qui mérite d'être adoré et nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Celui qui atteste de la véracité de ses serviteurs, qui atteste de son unicité et qui a appuyé cela et qui en a montré la véracité par de nombreuses preuves. قال ابن القيم رحمه الله ومن أسمائه المؤمن ابن القيم رحمه الله تعالى نجي parmi ces noms les noms d'Allah il y a المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم وقضاء قضاء وخلقا فإنه سبحانه أخبر وخبره صدق وقوله الحق أنه لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن فإنه هو المقدم في قوله قل أرأيتم فهو المقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فشاهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعده أن يري العباد من آيات الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء انتهى كلامه من مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله تعالى ندي parmi ces noms il y a المؤمن et selon l'une de ces deux explications c'est celui qui atteste de la véracité de ceux qui témoignent. Donc le sens du nom d'Allah, Al-Mu'min, celui qui dit qui est véridique, celui qui atteste de la véracité des gens véridiques, en mettant en évidence, en apparence, les preuves de leur véracité. C'est celui qui a attesté de la véracité de ses messagers, ainsi que de ses prophètes, dans leur transmission, dans le message. C'est celui qui a attesté qu'ils sont véridiques avec de nombreuses preuves qui témoignent de leur véracité. Allah subhanahu wa ta'ala a informé et son information n'est que vérité et sa parole n'est que vérité qu'il va exposer à ses serviteurs les preuves. Il va exposer à ses serviteurs les preuves, que ce soit celles qui sont universelles ou celles qui sont en eux-mêmes. Tout cela pour montrer que la révélation transmise par ses messagers n'était que vérité. Donc Allah Azza wa Jalla dit que ces messagers et prophètes sont véridiques dans leur transmission du message, que ce message n'est que vérité, puis et il montre les preuves de leur véracité. Il montre les preuves de leur véracité. Lorsqu'Allah envoie un prophète, envoie un messager, il lui donne toujours des signes qui vont permettre de reconnaître qu'ils sont véridiques et qu'ils viennent réellement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Fussilat, selon la traduction des sens du verset, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents que c'est cela, c'est-à-dire le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Donc ce qui est voulu ici, c'est le Coran. C'est le Coran. Que cela, c'est-à-dire le Coran. Parce que si on revient au verset précédent, le verset 52 de Sourate Fussilat, nous trouvons sur la traduction du sens, voyez-vous, si ceci, c'est-à-dire le Coran, émane d'Allah, provient d'Allah, et qu'ensuite vous le reniez, qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence? Puis, ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné en faveur de son messager pour montrer que tout ce qu'il a dit et transmis n'est que vérité. Et il lui a promis, Allah a promis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce verset, de montrer à ses serviteurs, de ses signes. Ainsi, ils ne pourront pas réfuter leur véracité. Ainsi, ils seront dans l'obligation de reconnaître. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce qui allait être plus grand que cela. Nous, nous voulons que les serviteurs reconnaissent et qu'ils témoignent de ça. Mais Allah azza wa jalla nous dit ensuite, il nous appelle un témoignage plus grand que tout cela. Lequel? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est témoigné, lui-même est attesté. Et Allah est le plus grand des témoins, le meilleur des témoins. Allah est témoin de toutes choses. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله المؤمن من آمن لقولي أنه حق. Et ceci signifie, et c'est ce que signifie la parole de Qatada, donc elle est rapportée par Ibn Jarir al-Tabari رحمه الله dans son tafsir. المؤمن آمن لقولي أنه حق. Al-Mu'min, c'est celui qui a attesté de la véracité de sa parole. Al-Mu'min est celui qui a attesté que sa parole est vérité. Le terme Iman, lorsqu'il est suivi du lam, fa'amana lahu lut. Par exemple, et non pas du bas, amana ar-rasul bima. Cheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, explique que ici, ça revient au sens linguistique, dans le sens d'attester de la véracité de la chose, de reconnaître son caractère véridique. Donc, El Mu'min, celui qui atteste de la véracité de ses paroles. Kama anna min dala'il ismihi al-mu'min ta'minul kha'if wa dhalika bi'i'ta'ihi al-aman wa huwa diddu al-ikhafa. قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم. Nous avons vu le premier sens du nom d'Allah, El-Mu'min, celui qui a attesté pour lui-même qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, et celui qui atteste de la véracité de ses prophètes, de ses messagers dans ce qu'ils ont transmis, et apporte les preuves de l'authenticité de leur dire. Voyons maintenant un autre sens indiqué par le nom d'Allah, El-Mu'min. C'est dans le sens de Al-Amn, la sécurité. La sécurité. Al-Mu'min, Ta'minul Khaif, c'est celui qui accueille, rassure, Na'am, celui qui accueille et rassure celui qui a peur. Celui qui rassure, celui qui a peur. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui accorde la sécurité aux gens. C'est lui qui accueille la sécurité à celui qui est effrayé. Il lui accorde, na'am, la sécurité qui est le contraire de al-ikhafa. Celui qui est effrayé, Allah lui accorde la sécurité. Comme dans sourate Quraysh et comme dans sourate An-Nur, wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim Amna, il changera leur ancienne peur en sécurité. Donc Allah est celui qui accorde la sécurité. C'est parce que c'est le mu'min, celui qui accorde la sécurité. Dans Surat An-Nur, sur la traduction, il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Donc ça, c'est dans le verset où Allah Azza wa Jal fait la promesse à ceux qui ont réuni les conditions, c'est-à-dire la foi, les actions pieuses, at-tawhid, les actions pieuses, de leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui ont précédé, et les élever au-dessus des autres. Et il changera leur ancienne peur en sécurité. À quelles conditions ? Ya'budunani, la yushrikuna bi shay'in. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc on voit que celui qui accorde sécurité et qui transforme la peur en sécurité, c'est Allah, Al-Mu'min. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, comme a mentionné Ibn Kathir dans son tafsir, Al-Mu'min, c'est-à-dire celui qui a accordé la sécurité à ses serviteurs de se voir opprimé par lui. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la sécurité à l'ensemble des serviteurs du fait qu'il ne les opprimera jamais. Vous connaissez tous le hadith Qudusi, le hadith de Abu Dharr radiallahu anhu, le plus noble hadith de Ahlul Sham. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharrama fala tazalam. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue proscrite entre vous. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Mu'min, Ibn Abbas dit, c'est-à-dire celui qui a accordé la sécurité à l'ensemble des serviteurs de se voir opprimé par lui. Wa la yadhlimu rabbuka ahad, ton Seigneur n'opprime personne. Fa kullu khaifin yasduqu fi luju'ihi ila Allah yajidhu subhanahu mu'amminan lahu min al-khawf. مؤمن العباد أو بلطو فأمن العباد وأمن البلاد بيده سبحانه. Toute personne effrayée qui se dirige et réellement avec véracité, sincèrement vers Allah, toute personne qui est véridique dans sa démarche et sincère, qui invoque Allah et se dirige réellement vers lui, trouvera qu'Allah lui accordera la sécurité. Il trouvera qu'Allah lui accordera la sécurité et il le préservera de ce qui l'effrayait auparavant. ainsi la sécurité des serviteurs et la sécurité, donc la sécurité des habitants et la sécurité des pays, tout cela n'est que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبما تقدم يعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معان عظيمة وأمور جليلة يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية. Avec ce qui est passé, nous savons désormais que le nom d'Allah Al-Mu'min fait référence ou nous indique plusieurs sens grandioses et des choses incommensurables qu'on peut réunir en certains points. فمن دلائل اسمه المؤمن شهادة سبحانه لنفسه بالتوحيد وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود به ومنها تصديق سبحانه للشاهدين له بالتوحيد والشهادة لهم بأنما قالوه حق وصدق ومنها تصديق لأنبياه بالحجج والبينات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لم تراء فيه. Donc الشيخ حفظه الله تعالى nous dit, parmi ceux que nous indique le nom d'Allah Al-Mu'min, le fait qu'il ait témoigné subhanahu wa ta'ala pour lui-même de son unicité. Allah a témoigné de la ilaha illallah, shahid Allahu annahu la ilaha illallah. Donc Allah a témoigné de son unicité, qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et c'est le témoignage le plus sublime, le plus grand, venant du témoin le plus immense au sujet du témoignage le plus immense. Ce pourquoi on témoigne ici l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose la plus grande. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala atteste de la véracité de ceux qui témoignent de son unicité. Allah atteste de la véracité. Il dit, celui, lorsque la personne dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, Allah dit, mon serviteur a dit cela, il est véridique. Allah atteste qu'il est véridique. Toute personne qui atteste de la ilaha illallah, Allah témoigne qu'il est véridique dans son témoignage. Allah témoigne que ce qu'ils ont dit n'est que vérité et réalité. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce qu'il a promis à ses serviteurs comme secours, comme assistance, قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc Allah عز وجل a promis à ses serviteurs sous condition de leur donner le secours, de leur donner la suprématie. Dans Suratul Anbiya, le verset 9, sur la traduction du verset, puis nous réalisâmes la promesse, donc celle qui leur avait été faite. Nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes, c'est-à-dire sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Dans Surat An-Nur, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui me croit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. ومنها أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. Le cinquième point, c'est qu'Allah Azza wa Jal met en sécurité ses serviteurs croyants, ses bien-aimés, rapprochés du châtiment. Il les préserve et les protège de quoi ? Du châtiment. Il leur accorde la sécurité devant son châtiment et devant sa punition. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc Allah Azzawajal est celui qui met en sécurité ses serviteurs devant son châtiment, devant sa punition. Comme Allah nous le dit en sourate Al-An'am, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire par quelque shirk, par quelque association, ceux-là auront la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ils auront la sécurité dans ce bas monde, ils auront la sécurité dans leur tombe. Et ils auront la sécurité dans l'au-delà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mu'min, celui qui a accordé la sécurité à ses serviteurs pieux, rapprochés, bien-aimés du châtiment. Il les a mis en sécurité de sa punition. Il les a mis en sécurité. Dans Surat Fussilat, celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Allahu Akbar. Sahib al-Tawhid, il vient le jour de la résurrection en toute sécurité. Il est préservé. Et celui qui lui a accordé la sécurité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La sécurité tout entière, elle est dans la main d'Allah. Dans ce bas monde, dans la tombe, également dans l'au-delà. Dans Surat Al-Ahqaf, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ils n'auront aucune crainte, ou bien ils n'ont aucune crainte à avoir, et ils ne seront point affligés, ils ne seront pas tristes. Ils ne doivent pas avoir peur parce qu'Allah les met en sécurité de ce qui est à venir comme punition, comme châtiment. Ils ne doivent pas s'attrister pour ce qu'ils ont laissé comme famille, comme enfants, comme proches, parce qu'ils seront sous la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْجِزُهُمْ مَا وَعَدَهُمْ مِنَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَدُخُولِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Septièmement, parmi ce que nous indique le nom d'Allah, Al-Mu'min, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise sa promesse sur ses serviteurs vertueux. La promesse qu'il leur a faite de leur donner l'énorme succès et de les faire entrer dans les jardins du délice, les jardins du paradis. Qala ta'ala, wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adah. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dans sourate Az-Zumar, et ils diront, yani ces gens qu'Allah Azza wa Jal va honorer, va anoblir de par l'entrée du paradis, parce qu'ils étaient sur le tawhid, parce qu'ils ont adoré Allah seul d'un culte sincère, parce qu'ils ont connu Allah, alors ils l'ont adoré lui seul sans jamais rien lui associer. Ils l'ont aimé, ils ont eu peur de lui, ils ont espéré uniquement en lui. Allah Azza wa Jal, à cela, il leur accorde le paradis. Et ils diront, wa qalu alhamdulillah. Et ils diront, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a tenu sa promesse. Donc parmi ce que nous indique le sens du nom d'Allah, El-Mu'min, celui qui tient sa promesse en comblant ses serviteurs par l'énorme succès et le fait de les faire entrer au paradis. Et ils diront, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellence. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِ نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْعُلَى أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا أَجْمَعِينَ بِالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ نحن وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde cela pour nous-mêmes ainsi que nos proches. ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة كما قال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Huitièmement, parmi ce que nous indique le nom d'Allah, El-Mu'min, que c'est celui qui accorde sécurité à ceux qui sont effrayés. Celui qui accorde sécurité à ceux qui sont effrayés. En leur accordant ce bienfait, ce bien-être, cette sécurité, qui est le contraire de l'effroi. Comme Allah nous le dit, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف dans sourate Quraysh, celui qui les a nourris contre la faim et les a rassurés contre leur crainte. Qui est-ce qui accorde Al-Amn et Al-Aman? Qui est-ce qui accorde la sécurité et ce bien-être-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. أما اسم الله الصادق. Tout cela concernait l'explication du nom d'Allah, El-Mu'min. Donc on comprend que El-Mu'min ne nous indique pas un seul sens. Mais ici on en a mentionné combien? 8. C'est ça? Ici on en a mentionné 8. Et ça, ça fait partie de la, du caractère sublime des noms d'Allah. C'est qu'un seul nom peut nous indiquer une multitude de sens, les plus sublimes, les plus grands et les plus incommensurables. Tabaraka wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les noms les plus sublimes. C'est-à-dire les noms qui ont la perfection absolue, au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre perfection. Invoquez-le donc avec. C'est-à-dire adorez Allah en apprenant le sens de ses noms. Adorez-le selon ce qui découle du sens de ses noms. Et invoquez Allah, c'est-à-dire demandez-lui en mentionnant le nom qui a un rapport avec votre demande. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Tu diras désormais par exemple, ya mu'min, inni as'aluka al-amn min kadha wa kadha wal aman. Ô toi el-mu'min, je te demande de m'accorder la sécurité devant cette chose que je crains et que je redoute. Ya ayyuha al-mu'min, إني أسألك الجنة بأني أشهد بأنك الله لا إله إلا أنت. Ô toi المؤمن, je te demande de me faire entrer au paradis car j'atteste, ou du fait que j'atteste de la ilaha illallah, et ainsi de suite. أما اسم الله الصادق قد ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Quant au nom d'Allah, الصادق, il a été mentionné une fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-An'am, le verset 146. Dans surat al-An'am, à la fin du verset 146. Donc Allah azza wa jalla nous mentionne qu'il a interdit à ces gens du livre toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins. Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion. Et nous sommes bien véridiques. Wa inna la sadiqoun. Et le nous en arabe, ici lorsqu'on parle d'Allah seul, c'est pas la pluralité. Ça n'est pas pour parler au pluriel. Allah plus d'autres. Non. Mais c'est l'il'azama. C'est le nous en arabe, il y a le nous pour parler de l'immensité de celui duquel nous parlons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus immense, na'am, il parle de lui-même en disant wa inna la sadiqun. Et nous sommes véridiques. Nous avons révélé le livre. C'est pas pour parler au pluriel, non, mais ça fait référence à l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est présent dans la langue arabe. C'est présent dans la langue arabe. Wa inna la sadiqun. Donc, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a as-sadiq, qui se trouve à la fin de qui se trouve à la fin du verset 146 de Suratul An'am. Et il a été mentionné une fois dans le Coran. Et le nom d'Allah, al-mu'min, a été mentionné combien de fois? Une seule fois. Dans quelle sourate? Suratul Hashr. Subhanallah. Parmi les choses étonnantes, c'est que ces deux noms-là, Al-Mu'min et Al-Sadiq, ont un lien dans le sens. Et tous deux ont été mentionnés qu'une seule fois dans le Coran. Une seule fois dans le Coran. Al-Mu'min, dans Suratul Hashr, une fois. Et Al-Sadiq, dans Suratul An'am, une seule fois. ومن آثار الإيمان. Avant ça, أي الصادق في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به. Que signifie الصادق? Allah est le véridique. Véridique dans quoi? Un cheikh nous dit véridique dans sa promesse et sa menace. Véridique dans sa promesse et sa menace. Sa promesse, celle qui a été faite à ses serviteurs pieux. Celui qui croit en Allah, qui adore Allah, il rentre au paradis. Allah lui pardonne ses péchés, Allah l'agrée, Allah l'élève en degré, Allah lui donne, Allah lui fait. Il reçoit tout le bien. Mais Allah est véridique dans cette promesse. Dans sa menace envers ceux qui désobéissent, Allah est véridique. Et dans tout ce au sujet de quoi il nous a informé, Allah est véridique. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal mentionne n'est que vérité. Et il n'y a pas parole plus véridique. Et il n'y a pas plus véridique qu'Allah Azza wa Jal. Wa man ahsanu min Allahi haditha. Wa man ahsanu min Allahi qila. Il n'y a pas plus véridique qu'Allah en matière de parole. Les informations émanant d'Allah Azza wa Jal sont les plus véridiques. Allah est as-sadiq. Ce qu'il a promis est vérité. Ce qui, contre quoi il avait averti, ces menaces sont vérité. Les informations qui nous parviennent d'Allah ne sont que vérité. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم وعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, mais ça c'est une parole, si seulement on l'avait dans nos cœurs avec une foi ferme, si seulement on l'avait entre nos yeux au quotidien, nous vivrions une vie paisible. Celui qui a cette aqidah là, cette croyance là, il est réellement apaisé dans ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal lui accordera cela dans l'au-delà. Quelle est cette parole? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il ne fait aucun doute qu'Allah a promis à ceux qui lui obéissent de les récompenser. Et a promis à ceux qui lui demandent de leur répondre. Et c'est le véridique, celui qui ne manque jamais à sa promesse. Celui qui ne manque jamais à sa promesse. Allah le Très-Haut dit dans Sourate An-Nisa, Wa'adallahi haqqa. Et la promesse d'Allah est vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? La promesse d'Allah est vérité. Qui est plus véridique qu'Allah en matière de paroles? Celui qui a cette croyance-là. Allah Azza wa Jalla lui a promis. Celui qui lui obéit, Allah lui récompense. Celui qui croit en lui, délaisse les péchés, se repent des péchés, observe la droiture, Allah le met au paradis. Allah c'est sadiq. Il ne manque jamais à sa promesse. Comment, après ça, le croyant va trouver de la paresse à ne pas faire ce qu'Allah Azza wa Jalla lui commande? Comment après cela le croyant pourra avoir des doutes quant au chemin emprunté? Comment est-ce que le croyant pourra avoir des doutes quant à la grandeur de ce qu'Allah va lui accorder s'il lui obéit, s'il l'unifie d'un culte sincère? Aussi lorsque tu fais dua, comment est-ce que le croyant pourra avoir des doutes alors qu'il s'est adressé à As-Sadiq, celui qui lui dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai, alors qu'il s'adresse à celui qui a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Je réponds à son appel lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la promesse de nous répondre lorsqu'on lui demande. Donc on doit se diriger vers Allah avec des demandes. On doit se montrer pauvre, besogneux chez Allah. Avec tout ce dont nous avons besoin. Avec tout ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin? Al-Mu'min, de quoi est-ce qu'il a besoin? Le serviteur, de quoi il a besoin? Nahnu muftaqirun ila rahmatillah. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala irhamana ajma'in. On a besoin de quoi? On a besoin de la pitié d'Allah. Alors on demande à Allah qu'il ait pitié de nous. On a besoin de quoi? Al-Hidayah. Nas'alullah azza wa jal an yahdiyana ajma'in. On demande à Allah qu'il nous guide. On a besoin de quoi? Allahumma ta'imna. On a besoin qu'il nous nourrisse. Allah, on a des péchés, on a besoin qu'Allah nous les pardonne. Allahumma ghfir lana ajma'in. Ou Allah pardonne-nous. Et ainsi de suite. Allahumma as'idna. Allahumma ahdina. Allahumma waffiqna. Allahumma arhamna. Allahumma shfina. Allahumma shfi mardana arda al-muslimin. Je demande tous tes besoins à Allah Azza wa Jal. Parce que tu sais qu'Allah c'est sadiq. Et qu'il t'a promis de répondre à ta demande. D'exaucer tes supplications. Et à cet instant même, je me rappelle l'épreuve d'un de nos enfants et de ses parents et de ceux qui les aiment, notre fils Abdurrahman. Notre fils Abdurrahman qui est éprouvé par une maladie qu'ils lui ont décelée ou détectée. فنسأل الله سبحانه وتعالى وهو السميع وهو الرحمن الرحيم وهو الصادق وهو رب العالمين وعلى كل شيء قدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلطف به وبوالديه ويشفي أمه ويصلحهم أجمعين ويوفق أبناءهم وَأَيَشْفِيَ مَرْضَانَ رَضَى الْمُسْلِمِينَ. On demande à Allah Azza wa Jal, celui qui entend tout, qui voit tout, celui qui a la vaste miséricorde, celui qui est le véridique, qui nous a promis de répondre à nos demandes, de lui accorder la guérison, un prompt établissement, de réformer ses frères, d'accorder la guérison à sa mère, la guider à l'ensemble de sa famille. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا هضما ولا يخاف بخسا ولا رهقا وأن يضيع له مثقال ذرة لأن الله عز وجل وعد وهو الصادق بتوفيق العاملين أجورهم بتوفيته العاملين أجورهم وإن كان مثقال ذرة جازاه بهذا لا يضيعها أو لا يضيعها عليه بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وأما المسيء فيجازيه بسيئة مثلها ويحطها عنه بتوبة بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله أكبر ما أجمل كلام الرحمن Parmi les effets de la foi en ce nom-là, As-Sadiq, le fait que celui qui agit dans le bien, celui qui agit dans le bien, c'est-à-dire il obéit à Allah, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adore Allah seul dans un culte sincère, il s'éloigne du shirk, il s'éloigne des désobéissances. Celui-ci, Al-Muhsin, ne redoute aucunement chez Allah quelque injustice. Il est parfaitement en sécurité. Il sait qu'Allah Azza wa Jal n'opprime jamais son serviteur. Et il ne craint aucunement une diminution. Il ne craint pas d'être opprimé. Il ne craint pas qu'on lui attribue une chose qu'il n'a pas faite. Il ne craint pas une diminution dans la récompense promise après avoir fait la bonne action. Ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi de hasanat. Il a la sécurité de l'avoir préservé chez Allah et de s'en voir rétribué par Allah. Celui qui fait le bien, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, il trouvera cette récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne disparaîtra pas chez Allah. Allah ne la fera pas disparaître. Elle ne sera pas perdue. Bien au contraire, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala la décuple et la multiplie pour qui il veut. Et accorde de sa part une énorme récompense. Quant à celui qui a agi dans le mal, c'est-à-dire qui a fait les péchés, qui a délaissé les obligations, ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donnera sa rétribution en fonction de ses actes. Et il ne lui ajoutera rien comme péché. Chaque péché, il y aura en face une réponse. Pour chaque péché, il y aura en face sa réponse. Mais on ne va pas lui multiplier ses péchés, non. Contrairement à ce qu'on fera pour celui qui a bien agi, c'est qu'il trouvera toutes ses hasanats, et plus encore, Allah va multiplier et décupler pour qui il voudra. Et accordera l'énorme récompense à qui il voudra. Quant à celui qui a fait des péchés, des bêtises, Allah Azza wa Jal lui accordera ou lui donnera en fonction de ses actions. C'est-à-dire devant un péché, une rétribution. Devant chaque péché, la rétribution qu'il aura décidé subhanahu wa ta'ala. Ou alors, il fera tomber ce péché, lui effacera. Par le repentir, le regret, ou suite à une bonne action, ou suite à un malheur qui le touche. Donc celui qui commet un péché, si Allah Azza wa Jal, par sa justice, le punit, il le punira en fonction de cet unique péché. Et s'il en a deux, en fonction de ces deux péchés. Et si c'est 100, en fonction de ces 100 péchés, mais jamais lui rajoutera un péché. Est-ce que c'est compris? Malgré ça, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le lui efface. Alors que la bonne action, Allah azza wa jalla garantit la récompense de la bonne action. Donc lorsqu'Allah promet de te récompenser, il te récompense toujours. Et il peut même te rajouter. Mais lorsqu'Allah te promet de te punir, il ne te punit pas toujours. Il se peut que cette punition tombe par des causes qu'Allah a mis sur ton chemin. Subhanallah. Oh, combien Allah est miséricordieux envers nous. Celui qui commet le péché, si Allah le punit, il le punit uniquement pour son péché. Mais il se peut qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, lui pardonne ce péché. Soit parce qu'il le guide au repentir, c'est-à-dire il arrête le péché. Soit parce qu'il le guide au regret. Le prophète sallam nous dit « un nadam ou tauba ». Le prophète nous dit le regret, c'est un repentir. Et celui qui se repent du péché est comme celui qui ne l'avait pas commis. Et comme celui qui ne l'avait jamais commis. Donc, soit il se repent, il arrête le péché. Soit il regrette le péché, Allah lui efface. Donc, suite au repentir, il lui efface. Ou suite au regret, il lui efface. Soit il, ou encore il fait une bonne action. Il fait une bonne action. C'est-à-dire, il a commis un péché entre lui et Allah. Par la suite, il fait une bonne action. Par cette bonne action, Allah lui efface ce péché. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Wa atbi'i sayyi'at al-hasana tam'uha. Et dans le hadith, fait suivre la bonne action ou la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera. Quatrièmement, par le malheur qui touche le serviteur. Chaque malheur qui te touche, une tristesse, une affliction, une maladie, une douleur, jusqu'à la piqûre du moustique, par cela, Allah t'efface des péchés. Par cela, Allah t'efface des péchés. Donc, subhanallah, Allah récompense ses serviteurs par sa générosité et sa miséricorde. Et il punit d'autres par sa justice ou de par sa grande grâce. Il met sur leur chemin des causes multiples pour qu'ils ne soient pas punis pour ceux, uniquement pour les péchés qu'ils ont amassés. Qala ta'ala, Oulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adu. Dans sourate Al-Ahqaf, on nous dit: ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs méfaits. On ne leur tient pas rigueur pour leurs fautes. Ils seront parmi les gens du paradis selon la promesse véridique qui leur a été faite. Falhamdulillah, alladhi bassarana fi ismihi al-mu'min, fi ismayhi al-mu'min wa as-sadiq. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Toutes les louanges reviennent de droit Allah Azza wa Jal. Celui qui nous a permis d'avoir quelques connaissances relatives à ces deux noms, al-mu'min et as-sadiq. Nous marquons une petite pause, une courte pause, puis nous poursuivons dans l'étude de deux autres noms d'Allah Azza wa Jal qui sont Al-Karim et Al-Akram. Al-Karim et Al-Akram. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم والأكرم أما الكريم فقد ورد في ثلاثة مواضع قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم على قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. والكريم هو الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة، ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى إنه لقرآن كريم، أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم إنما يستفاد من القرآن. وصف عرشه بذلك كما في قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، على قراءة من قرأ بالكسر على أنه صفة للعرش أي حسن المنظر بهي الشكل. وصف بذلك ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي عده لعباد المؤمنين، قال تعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. وصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، كما في قوله تعالى ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه. ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال عديدة، فقيل معناه أي كثير الخير والعطاء، وقيل الدائم بالخير، وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل أي المنزه عن النقائص والآفات، وقيل معناه المكرم المنعم المتفضل، وقيل الذي يعطي لا لعوض، وقيل الذي يعطي لغير سبب، وقيل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، وقيل الذي وعد وفى، وقيل الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل الذي لا يضيع من التجأ إليه، وقيل في معنى الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم. وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. وإذا اعتبر جميع ما قيل في معنى هذا الاسم فإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. Donc il y a parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Karim et Al-Akram. Quant au nom d'Allah Azza wa Jal Al-Karim, il a été mentionné à trois reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Naml, dans Surat Al-Infitar et dans Surat Al-Mu'minun. Quant à Surat Al-Naml, quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, il est Al-Karim. Dont une partie de la traduction est le généreux. Dans l'infitar, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Donc un deuxième sens, la noblesse. Dans Surat al-Mu'minun, qu'Allah soit élevé, le souverain, le vrai souverain, nul divinité en dehors de lui n'est digne d'être adoré, le Seigneur du trône sublime. Le Seigneur du trône sublime. Si on lit Al-Karimi comme dans certaines lectures, si c'est Al-Karimu, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb. Rabbou, Al-Karim revient à Rabb. Et si c'est Al-Karimi, comme dans certaines lectures, alors ça revient à la description du trône qui est sublime. Quant au nom d'Allah, Al-Akram, il a été mentionné une seule fois dans le Coran, dans Sourate Al-Alaq. Lis, ton Seigneur est le très noble. Al-Karim, c'est celui qui a énormément de biens et qui donne ce qui est énormément utile. Et c'est celui de toute chose qui est le meilleur, dans toute chose qui est le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala a donc l'attribut du karam, comme on l'a vu à travers les versets passés. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit par al-karam, par le fait que soit la meilleure des choses, la plus noble, la plus grande, la meilleure, ainsi de suite, il a décrit plusieurs choses. Il a décrit sa parole, al-Qur'an, innahu la Qur'anun karim, c'est certes un Qur'an noble, c'est-à-dire qui comprend beaucoup de bien, énormément de science. Tout le bien, toute la science dont nous avons besoin se trouve dans le Qur'an. Il a décrit également al-Arsh, le trône, par al-Karam. Comme on l'a vu dans Sourate al-Mu'minun, c'est-à-dire dans sa beauté et dans sa description. Il a décrit la récompense qu'il accordera à ses serviteurs pieux par Al-Karam. Une récompense jamais interrompue qu'il a préparée pour ses serviteurs croyants. Dans Sourate Al-Anfal, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une donation généreuse. Karim. Aussi, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et vos comptes et votre compte, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Ainsi a été décrit la récompense d'Allah, le paradis d'Allah, par Al-Karam, c'est-à-dire un endroit bon, un endroit saint, un endroit beau, un endroit préservé de tout défaut, de toute tristesse, de toute affliction, de toute angoisse, de tout ce qui peut venir diminuer la pureté et la perfection de l'endroit et de son bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala a également décrit par Al-Karam beaucoup de ses bienfaits, des fleurs et de ce qui sort du sol, de par sa beauté, de par son abondance, comme dans Sourate Al-Shu'ara. N'ont-ils pas observé la terre? Combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? Et le terme Al-Karam, c'est un nom qui réunit beaucoup de sens élogieux. Ça renferme tout le bien en réalité. Ça ne veut pas seulement dire la générosité et le don, mais la générosité et le don fait partie de la perfection de ce terme. C'est pour cela que les savants ont mentionné divers sens. Par exemple, كثير الخير والعطاء, Al-Karam ou Al-Karim, c'est celui qui donne avec largesse et avec abondance. Ou encore, celui qui donne tout le temps. Ou encore, celui qui a un rang énorme. Ou encore, celui qui est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Ou encore, le donateur, celui qui donne ses grâces et les dispense. Ou encore, celui qui donne sans échange. Ibn Adam, il donne avec échange. Allah Azza wa Jal, c'est le Karim, celui qui donne sans contrepartie. Celui qui donne, ou encore celui qui donne sans cause. Celui qui donne à celui qui a besoin comme à celui qui n'a pas besoin. Tout cela fait partie des paroles des savants sur l'explication du nom d'Allah, Al-Karim ou Al-Karam, son attribut. Celui qui donne ce qu'il promet de donner. Celui vers lequel se dirigent les besoins grands ou petits de ses serviteurs. Celui dont ne sera jamais perdant, ou celui, na'am, devant lequel on ne sera jamais perdant en se dirigeant vers lui. Il fut aussi dit que le sens d'Al-Karim, celui qui passe sur les fautes de ses serviteurs et leurs péchés. Et encore d'autres sens sublimes qui ont été expliquées par les savants au sujet du nom d'Allah Al-Karim et l'attribut Al-Karam. Et tous ces sens sont véridiques. Tous ces sens sont véridiques. Car ce nom-là ne nous indique pas un seul sens, mais une multitude de sens. Et si on a bien compris cela, alors nous savons désormais que ce qu'Allah a comme droit sur nous et mérite est indescriptible et ne peut être résumé dans des formulations. Personne ne peut décrire Allah comme il le mérite, mais il est comme il s'est décrit lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et en disant que Al-Karim, c'est celui dont les dons sont nombreux, sont en abondance. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal donne, c'est ce qui est une part inestimable. Et ô combien sont grands et multiples les dons d'Allah. Et ça nous indique la généralité de sa toute-puissance et la vasteté de ses dons. Tout le bien tout entier est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم نسأله تبارك وتعالى وهو الله الذي لا إله غيره الصادق المؤمن السميع الكريم الجواد أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات